Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la Résistance française, dirigé aujourd'hui par Martin Pelletier, diffusé en direct mercredi 14 septembre 2016 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 15 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Franck. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Rebonsoir, ici Martin Pelletier. Donc pour la suite du libre journal de la liberté surveillée, je reçois ce soir Pascal Bernardin. Bonsoir Pascal Bernardin. Bonsoir. Pascal Bernardin, vous avez écrit plusieurs livres. Le premier, c'est, enfin pas le premier chronologiquement, mais vous avez écrit L'Empire écologique. Et c'est en partie pour cela que je vous invite ce soir. Vous en avez écrit deux autres. Vous avez écrit Le crucifixion de Saint-Pierre, le tout à fait dernier, qui s'occupe, on pourrait le dire, de la subversion de la spiritualité catholique. Et puis vous avez également écrit Machiavel pédagogue, c'était le premier, alors que chronologiquement, qui s'occupe de beaucoup de la manipulation des esprits. Je vous ai invité aujourd'hui parce que dans moins d'un mois aura lieu le premier anniversaire de la COP21 qui a rassemblé à Paris le banc et l'arrière-banc des chefs d'État étrangers, et avec notre président François Hollande, et qui a prétendu faire un grand pas vers de nouvelles règles en matière d'écologie. Alors, aujourd'hui, il est question que... La Chine a ratifié l'accord de Paris et les États-Unis l'ont également ratifié. Alors, pendant cette heure et demie qui nous est impartie, on va parler de plusieurs choses. On va essayer de voir un petit peu ce qui s'est dit, à quoi ça rime, quoi, et ce que valent aussi ces ratifications. On va également... J'aimerais qu'on aille sur les... quelques actions de propagande en faveur de l'écologie qui ont eu lieu tout au long de l'année. On en examinera quelques-unes. Et puis, j'aimerais surtout que vous nous disiez à quoi sert tout cet activisme écologiste. À quoi ça tend? Qu'est-ce que ça veut changer? Est-ce que c'est un but politique? Est-ce que c'est seulement un but politique? Ou ça a peut-être d'autres buts par derrière? Voilà. Alors, on va commencer par le commencement, c'est-à-dire, bon, voilà, il y a un an, il y avait ce grand raout écologiste à Paris. Aujourd'hui, c'est ratifié. Ça veut dire que les décisions prises à Paris vont avoir force contraignante sur la communauté internationale. Ça veut dire que les États-Unis et la Chine, qui sont, tout le monde le sait, les deux plus gros pollueurs du monde, ont décidé d'être de bons élèves et c'est un progrès de la démocratie et de l'environnement. Progrès de la démocratie, incontestablement. La démocratie progresse et nous la subissons, j'ai envie de dire, quotidiennement. Oui, la Chine et les États-Unis ont décidé d'être les bons élèves. Et dans le fait que ce soit d'une part... un système ouvertement communiste, d'une part, et d'autre part, celui qui passe comme étant le modèle du capitalisme, d'autre part. Donc on voit qu'il y a véritablement une convergence entre toutes les forces mondialistes vers ce point. Alors, donc, la Chine et les États-Unis ont décidé d'être les bons élèves et sont en train d'entraîner la totalité des autres pays, puisque maintenant le signal est donné, on a les plus gros pollueurs et donc on atteindra bientôt les 55% de pollution, de pollueurs pour que l'accord ait force contraignante. Mais j'insiste sur le fait que on a eu donc la COP21 dans lequel à peu près 200 pays étaient représentés, toutes tendances politiques confondues. Donc on a véritablement un mouvement mondial Et ce que la Chine et les États-Unis posent là maintenant n'est finalement que la conséquence logique d'un processus qui est en fait très ancien, puisqu'on peut le faire remonter au moins jusqu'à 1972, donc la conférence de Stockholm, qui a été suivie en 1992 par la conférence de Rio. Et donc maintenant, la COP21. Mais ce processus, ce mouvement, est allé en s'amplifiant, en intégrant de plus en plus de pays, et en particulier a toujours été conçu, dès l'origine, pour faire la synthèse entre, d'une part, les communistes, et d'autre part, on va dire les capitalistes, mais en mettant bien évidemment ceci entre guillemets, parce qu'il y aurait d'innombrables nuances à apporter. Et justement, dans le vote, dans ces ratifications entre guillemets, c'est tout de même amusant, c'est que en Chine, ça a été adopté, cette ratification, avec une véritable consultation populaire, démocratique à la chinoise. Mais démocratie enfin, populaire. Dans les formes de la démocratie populaire, alors qu'aux États-Unis, normalement, ça aurait dû, dans nos pays, pour être ratifié, ça doit passer devant le Parlement. Mais ça n'est pas passé par le Parlement. Comment c'est-il possible, ça ? Eh bien, parce que les États-Unis, il y a un semblant de démocratie aux États-Unis. Il y a d'ailleurs des mouvements contestataires, des mouvements en particulier de protestation contre le mondialisme, qui sont très importants. Il y a également une industrie pétrolière qui est très puissante, qui est très riche, et un travail de fond qui est mené contre l'écologie par des institutions, des think tanks, des groupes de pensée qui travaillent depuis des décennies. Et là, la ratification n'aurait pas été adoptée, n'aurait pas été obtenue par voie parlementaire. Eh bien, puisque le peuple refuse la Constitution européenne, on va la lui faire avaler par un autre biais. Ça, c'était l'affaire du traité de Lisbonne. Ça, c'est le traité de Lisbonne. Donc, la Constitution a été refusée par le peuple français. La Constitution européenne, qui est quasiment la chose la plus importante, d'une certaine manière, le texte juridique le plus contraignant au monde, puisque c'est un texte qui donne les pouvoirs à l'Europe. Et à ma connaissance, même l'ONU ne peut pas se prévaloir aujourd'hui de pouvoirs aussi étendus que ceux de l'Europe. Donc véritablement, sur un sujet essentiel, il y a eu un déni de démocratie, eh bien là, on a eu un déni de démocratie totalement similaire sur un autre sujet essentiel, qui est la question l'effet de serre, du réchauffement global. Et donc, la voie parlementaire est embouchée. Eh bien, Obama a mis simplement sa signature en bas du traité, comme s'il s'agissait d'un vulgaire traité n'engageant en rien ni la Constitution des États-Unis, ni la vie quotidienne des Américains, alors qu'il n'en avait absolument pas la capacité. Je dirais que c'est encore plus fort que l'histoire du traité de Lisbonne, parce que le traité de Lisbonne nie l'effet du référendum, mais passe encore par la voie parlementaire. Là même, le Parlement est scratché, on passe chanté. Voilà. Tout à fait. Donc là, on a eu véritablement un déni de démocratie, et ce qui a été très révélateur, c'est de voir la manière dont la chose a été traitée donc, dans les médias français. Alors, la chose n'a pas été traitée, donc le déni de démocratie n'a pas été traité, et par contre, les médias se sont répandus sur la victoire, le progrès que cette pseudo-ratification, donc ce déni de démocratie, avait représenté. Mais on se demande que fait la gauche, parce que la démocratie, les formes extérieures de la démocratie, c'est normalement le cœur de métier de la gauche française. Tout à fait. Mais la question de l'effet de serre est conçue depuis l'origine pour être un point de synthèse. C'est-à-dire qu'on est dans une phase de coagulation. Après la dissolution maçonnique, nous sommes maintenant dans une phase de coagulation, dans une phase de synthèse. C'est la fameuse synthèse hegélienne, mais aussi maçonnique. Nous sommes dans une phase de synthèse. Et la question donc écologique est conçue depuis le début, a été conçue depuis le début pour faire la synthèse entre la droite et la gauche, entre les communistes et les pseudo-capitalistes. Et donc, il ne faut attendre aucune dénonciation des gros médias, des gros partis, qu'ils soient de droite ou de gauche. D'accord. Et justement, alors pour que ce soit possible, il faut une, comment dirais-je, une intense manipulation de l'opinion pour présenter à la fois l'écologie comme une ardente obligation et pour présenter les menaces aussi comme extrêmement présentes, violentes et immédiates. Alors, on va passer en revue justement quelques actes de propagande et vous me direz ce que vous en pensez. J'ai, moi, beaucoup lu, par exemple, au mois de juillet, j'ai lu que la Terre vivait à crédit. C'est-à-dire que tout ce que nous faisons tant de mal à notre environnement que nous, finalement, nous empruntons du bonheur à nos fils et à nos petits-fils. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette idée de Terre qui vit à crédit au point de vue de l'environnement ? Oui, donc nous empruntons aux générations futures, enfin à venir en français, aux générations futures, et donc du bonheur, et nous leur donnons du malheur. Oui. Bon. Les choses sont, dans la réalité, les choses sont un tout petit peu plus compliquées parce que nous allons transmettre aux générations à venir, non pas une dette écologique, mais nous allons leur transmettre une somme de connaissances, de savoir, une organisation de la société, donc qui est un bien immatériel, mais tout à fait réel. Il suffit de regarder, par exemple, ce qui se passe en matière d'immigration. On voit très bien que la structure de notre société, qu'il y a des biens qui sont dans la structure de notre société même et qu'on ne retrouve pas ailleurs. Donc ce que nous allons transmettre à nos descendants, ce seront des savoirs scientifiques, des savoirs technologiques qui se développent chaque jour et qui permettent de dépasser cette problématique. Alors cette problématique, c'était celle du Club de Rome, dans les années 70, qui a commis l'erreur irréparable de donner des dates. Des dates. Des dates d'épuisement du cuivre, d'épuisement du nickel, d'épuisement... De tous les matériaux. Bon, ce qui, bien sûr, fait beaucoup rire quand on relit ça maintenant. Donc, halte à la croissance, prédisait qu'on ne pourrait pas donner le téléphone à toute l'humanité parce que il n'y aurait pas assez de cuivre pour câbler toute l'humanité. Et là, on était vraiment arrivé au bout de la logique. Bon, comme vous le savez, maintenant, il n'y a plus besoin de cuivre pour le téléphone passe par satellite. Et là, on est exactement dans la rupture technologique, dans l'idée de rupture technologique, c'est-à-dire que les matières premières, l'importance des matières premières disparaît. Un satellite permet de faire disparaître le besoin de millions de tonnes de cuivre. Et qu'est-ce que c'est qu'un satellite ? Eh bien, fondamentalement, c'est une technologie. Ce sont des études. C'est de l'intelligence humaine. Et autrement dit, ces matières premières n'existent pas sans intelligence humaine. Et ça, c'est une idée qui est très, très connue des économistes. C'est une idée qui est très facile de montrer d'une manière très, très amusante. Il y a quelques siècles, quelques millénaires, quand on trouvait du pétrole dans un champ, on rebouchait le champ, on considérait qu'il était maudit, et on allait un petit peu plus loin. Le pétrole était une calamité. Et maintenant, quand on trouve du pétrole dans un champ, eh bien, on va dire que ça n'arrive plus, parce qu'on a épuisé tous les champs dans lesquels on trouve du pétrole. Autrement dit, la notion fondamentale, c'est que la notion de ressources naturelles n'existe pas en tant que telle. Il n'y a pas de ressources naturelles. Il y a des ressources, disons les naturelles, mais qui peuvent être exploitées, utilisées, dans un certain environnement technologique et dans un certain environnement social. Il est bien évident que dans un pays en guerre, même avec la meilleure technologie, il sera très compliqué de faire beaucoup de choses. Donc, ce que nous allons transmettre à nos descendants, aux générations à venir, c'est notre technologie, nos besoins de plus en plus rares de matières premières et notre structure sociale. Alors, je voudrais prendre un autre exemple pour bien faire saisir la chose. L'argument que l'on donne souvent, c'est « mais le pétrole ». Le pétrole va être épuisé. Je ne rentre pas dans le débat du pétrole, savoir s'il va y avoir un épuisement du pétrole ou pas. C'est une toute autre question et j'ai pas envie de la traiter. Mais ce que je veux dire, c'est que l'épuisement du pétrole, c'est fondamentalement une question d'énergie. Enfin, il y a deux aspects. Il y a le pétrole comme énergie et le pétrole comme source de carbone pour la création de plastique. Le pétrole comme source d'énergie, c'est un problème qui sera résolu quand on sera arrivé à l'énergie de fusion. Bon, on parlait de la fusion à froid de l'atome. La fusion à froid de l'atome. Donc, ITER, Cadarache, enfin, et puis d'autres projets qui se développent, qui ont d'ailleurs été freinés des cas de fer par certains politiques, pour des raisons, enfin, certains politiques et certains industriels, pour des raisons faciles à comprendre. Il est bien entendu que le milieu du pétrole n'a pas grand intérêt à ce que l'énergie de fusion sorte trop tôt. Mais ce que je veux dire, c'est que, au point de vue énergétique, le pétrole sera remplacé à terme par l'énergie de fusion et il n'y aura plus besoin de consommer du pétrole pour l'énergie. Il y aura besoin de pétrole comme source de carbone pour les plastiques. Mais le carbone est un élément qui est très abondant et quand le pétrole sera épuisé, j'ai envie de dire, il y en a plein l'atmosphère. Plein l'atmosphère. Ce fameux CO2. Ce CO2 que nous pourrons repomper par les arbres et choses comme ça. Voilà. Bon, donc, si vous voulez, la question de l'épuisement des ressources naturelles, de la vie à crédit, de la société qui vit à crédit sur cette pauvre terre qui essaie de se défendre comme elle peut, c'est un non-sens économique. Et scientifique. Et scientifique, mais véhicule une force affective, amplifiée par les médias, qui est très très forte. Très forte. Et c'est justement cette idée que l'on retrouve partout dans l'écologie, c'est qu'il y a une dimension affective, qui est d'ailleurs qui est assez facile à comprendre et qui est en partie justifiée. C'est que le monde, la Terre, a été créée par Dieu, et il y a véritablement une beauté, une grande beauté dans la création, que l'on voit beaucoup mieux en vivant à la campagne qu'en vivant dans les villes, mais qui frappe tout être et dont les écritures que les écritures nous rappellent en permanence. Et précisément, donc c'est sur cette beauté, sur ce caractère, cette œuvre du Créateur que se base ce sentimentalisme. Mais c'est un sentimentalisme qui est dévié, dévoyé. Dévoyé. Exploité. Exploité. Alors, tout de même, pour être sûr, hein, parce que je voudrais me faire l'avocat du diable, c'est bien ça. Il y a quand même la question démographique qui est inquiétante d'ailleurs. Ah, oui. Mais je me souviens justement, vous parliez du Club d'Europe tout à l'heure, un des premiers, leurs premiers livres, c'était la bombe la démographique, c'est important. La bombe. Population, oui. La fameuse bombe P. Mais sans, bon, alors on peut en rire, mais il y a quand même maintenant 6 milliards des poussières. 7 peut-être, et ça va très vite. Alors, qu'est-ce qu'on répond ? Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Ah oui, c'est très très grave. Enfin, c'est très très grave. La bombe P va exploser, et nous allons tous mourir, donc forcément. Non, ce que je réponds, mais je réponds très simplement, je me réfère au premier commandement que Dieu a donné aux hommes. Le premier. Il ne fait pas partie du décalogue. Donc, juste après avoir créé Adam et Ève, Dieu dit « Croissez et multipliez-vous ». C'est le premier commandement. Et il y a sûrement une raison à cela. Soumettez la terre et fécondez-la. Donc, croissez et multipliez-vous. Aujourd'hui, nous vivons dans une phase d'implosion démographique. Alors, l'implosion démographique est constatée, ce n'est pas une théorie, c'est quelque chose qui a été bien constaté, en particulier en Allemagne. En Allemagne, en Italie, en Europe en général. Mais tout, très spécifiquement en Allemagne et au Japon. Alors comment fonctionne l'implosion, qui est bien évidemment le contraire d'une explosion démographique. Comment fonctionne l'implosion démographique de la manière suivante, c'est qu'à la place d'avoir une pyramide avec une base large et un sommet pointu et étroit, la pyramide se renverse. Et donc on a une base qui est étroite, donc très peu d'enfants. Au milieu de la pyramide, les actifs, et tout en haut, un sommet qui est très large, qui sont donc les personnes âgées, les inactifs, donc qui ont fait peu d'enfants, ce qui explique que la partie médiane soit plus rétrécie, et ces générations actives en ont encore fait moins. Et donc ça fait une pyramide inversée. Cette pyramide inversée et donne une situation d'où il est extrêmement difficile de sortir, puisque quand on est dans cette situation, les actifs qui sont au milieu voient peser sur eux les inactifs qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Donc les inactifs qui sont en bas ne pèsent pas beaucoup sur eux parce qu'on vient de le voir, ils sont peu nombreux. Mais les inactifs qui sont en haut, eux, pèsent très lourdement par les retraites et les soins. Et donc ces inactifs ponctionnent très fortement sur les actifs qui, moyennant quoi, ont des revenus de plus en plus limités et ayant des revenus de plus en plus limités, font de moins en moins d'enfants. Donc ça... Et le système s'entretient. Et ça, cette chose-là, a été vérifiée telle qu'elle, aussi bien en Allemagne qu'au Japon. Oui, alors ça c'est les pays industrialisés et les autres. Voilà, et les autres. Alors les autres, on a les autres. Les autres, ces fameux pays dans lesquels les femmes ont 10, 12 enfants, etc., etc. Et ces pays ont quasiment tous effectué leur démographie, leur transition démographique. Alors en tout cas, tous les pays... alors, ce n'est pas vrai aujourd'hui pour les pays subsahariens, bien que la transition démographique soit déjà bien entamée, mais les pays d'Afrique du Nord ont déjà fait leur transition démographique, c'est-à-dire qu'en gros, les générations sont à la limite du renouvellement. Le mécanisme est très très simple. Le mécanisme, on tient à plusieurs facteurs. On va se limiter aux principaux. Le premier, c'est l'enrichissement du pays. Enfin, je ne sais pas quel est le premier, mais le premier que je mentionne, c'est l'enrichissement du pays. Le second, c'est la télévision. La télé, pourquoi ? Les modèles qui sont projetés dans, j'allais dire, l'inconscient collectif, mais vous comprenez ce que je veux dire, qui sont projetés dans la psychologie des habitants de ces pays. Et donc ces modèles, ce sont les modèles des séries américaines, des feuilletons, enfin, etc. Ce sont des modèles consuméristes, ce sont des modèles de vie facile, de confort, et qui vont, qui percutent la société telle qu'elle pouvait exister avant. Là encore, ce sont des choses qui sont en cours, et donc on sait très bien que l'on va vers l'implosion démographique. Et d'ailleurs, il y a quelques années, même le monde reconnaissait qu'on allait vers l'implosion démographique. Et non, l'explosion. Et les prévisions, pendant très longtemps, les prévisions qu'on donnait étaient limitées à 2050, parce que justement, à partir de 2050, la population mondiale devait commencer à diminuer dans ces prévisions. Alors maintenant, ils en ont sorti de nouvelles, dans lesquelles après 2050, ça continue un petit peu à monter. Donc bon, on peut repousser un peu les termes. C'est très important pour les prophéties écologistes de ne pas donner de termes trop proches. Ça a été le drame de la couche d'ozone, ça que vous avez déjà raconté, mais on peut le raconter quand même encore. C'est pour qu'une prévision puisse être utilisée par la propagande, il faut que ça soit suffisamment embrouillé pour qu'on ne puisse pas la refuter, évidemment. Et donc, c'est une question de terme aussi. Voilà. Enfin, la question de la couche d'ozone... il y a eu le protocole de Montréal qui a limité... 87. Voilà, qui a limité les émissions de produits dits polluants. Et donc, on a pu soutenir que... La disparition, entre guillemets, du trou dans la couche d'ozone était liée à ce protocole. Bon, mais ça, c'est un vaste sujet. Je pense qu'on peut l'abréger. D'accord. Alors, il y a d'autres thèmes de propagande qui m'ont frappé ces derniers temps. Bon, c'est le mot d'anthropocène que vous allez nous expliquer. On nous dit maintenant, même dans les journaux, je dirais presque les journaux féminins, que nous sommes entrés dans une nouvelle ère. Une nouvelle ère qui doit être géologique, je suppose, puisque avant il y avait le Cambrien, l'Éocène, le Crétacé, je ne connais pas bien, j'étais pas très très doué pour ça. Et alors maintenant, on serait rentré dans l'anthropocène. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique ? Alors, l'Anthropocène, c'est comme son nom l'indique, dirais-je, c'est l'ère de l'homme. C'est l'ère dans laquelle l'homme aurait une influence sur la planète, dans laquelle l'influence de l'homme serait supérieure à toutes les autres influences, et dans laquelle l'influence majeure, l'influence qui gouvernerait la planète, serait l'influence de l'homme. Bon, donc ça, c'est une idée qui est l'aboutissement de la propagande écologique à laquelle nous sommes soumis depuis très longtemps. C'est une idée qui a des conséquences très très graves, puisque l'idée fondamentale, c'est que l'homme, maintenant... Est un titan, et met en danger Gaïa. Oui. Mais tout simplement... Gaïa, la Terre, la déesse Terre. La déesse Terre. Et partant de là, l'une des... Enfin bon, il y a d'innombrables conséquences de cette idée, mais l'une, c'est précisément celle que vous avez abordée, c'est la question de la démographie. Autrement dit, nous sommes trop nombreux, et il faut réduire le nombre d'hommes. Alors, il y a des textes des institutions internationales qui vont jusqu'à parler de 500 millions d'hommes, de réduire la population à 500 millions. Ah, 500 millions, pas 500 millions. Donc voilà, il faut diviser le nombre d'hommes par 14 à peu près. Voilà, par 14. C'est de ça dont il s'agit. Donc si vous voulez, ces idées qui ont l'air inoffensives sont en fait des idées dont les conséquences sont absolument terrifiantes. C'est la décroissance, c'est l'idée, c'est ça aussi qui soutient la décroissance. Alors, c'est une autre idée, qui est bien sûr connexe. C'est l'idée que les hommes forment un cancer sur Gaïa, sur la déesse Terre. Donc, il faut réduire leur nombre. Et puis, il faut réduire leur empreinte écologique. Et en particulier, donc, réduire leur empreinte écologique, ça veut dire donc cette fameuse décroissance dont vous parlez, mais dont parle également le pape François dans Laudato Si. Oh, j'ai des questions à vous poser sur Laudato Si. Voilà, mais on pourra y venir ultérieurement. Donc, la question de la décroissance est explicitement abordée, enfin, est directement abordée par le pape François dans son encyclique Laudato Si. Donc, ces idées de pollution par le CO2, de trous dans la couche d'ozone, d'anthropocène, sont des idées qui vont avoir des conséquences colossal. On vient de le voir en matière de démographie, on vient de le voir en matière d'économie avec la décroissance, mais ça ne se limite pas à ça. Et c'est le but recherché, c'est véritablement que l'écologie soit l'axe de notre civilisation. C'est-à-dire que vous entendez par là que en fonction du devoir écologique, en quelque sorte, on va changer complètement nos manières de vivre, notre façon de faire de la politique, notre production, tout. Tout. De faire la politique, c'est déjà fait. Oui. Les impératifs écologiques ont été intégrés par tous les partis, en gros. Donc la politique a déjà changé, la politique au niveau national, la politique internationale est en train de changer. Donc là, il y a véritablement une transformation qui est en train de se faire, qui est faite déjà pour une grande part. Et ça, ce sont des choses sur lesquelles on voit très mal comment on pourra avoir prise, comment on pourra revenir en arrière. Ça, ce sont des choses qui sont déjà faites. Il faut bien voir que cette propagande, qui est très habile, qui a été très progressive, elle a été faite vraiment sur le long terme avec des gens pour qui le temps n'avait pas d'importance, qui savaient que pour changer une civilisation, que pour changer la mentalité des gens, eh bien, il faut beaucoup de temps, et en particulier, il faut passer par l'école. C'est encore un sujet dont on pourrait parler. Mais donc, tout ceci a été fait sur le long terme, et les choses ont déjà abouti. Et donc, vous mentionniez les grandes transformations. Oui, en matière politique, en matière économique, en matière scolaire. La chose-là également était déjà faite. C'est LVT, donc c'est sciences du vivant et de la Terre, etc. Donc, si on ne dit plus le son de choses. On dit, ça faisait un certain temps déjà, voilà. Mais sciences de la vie de la Terre. Sciences de la vie de la Terre. Mais alors, je reviens justement, je vois l'idée, enfin l'importance de la question, mais je reviens à ces petits morceaux de propagande. L'anthropocène, parce que oui. Je ne sais pas grand-chose, donc je voudrais savoir... Qu'est-ce que ça vaut comme alors, scientifiquement, est-ce qu'il n'aurait pas raison, par exemple? Oui. Alors l'anthropocène, la notion d'anthropocène se base en particulier sur l'affirmation que l'homme, par le biais du CO2, réchauffe le climat, et donc avec une kyrielle de catastrophes induites que je vous passe, mais vous les connaissez, la fonte des glaciers, la fonte de l'Arctique, de l'Antarctique, du Groenland, l'élévation du niveau des mers, les coraux, etc. Il y a beaucoup de choses. Ça. Voilà, beaucoup. Le Groenland qui veut dire quoi déjà ? La terre verte. D'accord. La terre verte, puisqu'au 12e, 13e siècle, cette terre était déjà verte. Tant et si bien que les Vikings se sont installés au Groenland. Et d'ailleurs, sont également allés jusqu'au Labrador, où on a retrouvé des pièces vikings. Donc ça ressortit à la propagande et pas du tout à la notion scientifique. Vous citiez les flondes des glaces. J'ai lu quelque part que, par exemple, les glaces de l'Antarctique sont en croissance actuellement. Oui, tout à fait. Donc on a affaire, pour me résumer, à une vaste opération de propagande qui tente à changer la société. C'est ça, pour vous, la question de l'écologisme. Oui, enfin, qui tente à changer. Quand vous parlez de la société, il faut comprendre la société au sens le plus large. C'est oui, alors toutes les composantes de la société. On peut commencer par la spiritualité, la religion, en descendant ensuite à la morale, enfin, et la conception de l'homme, enfin, beaucoup plus haut d'ailleurs que la morale, la conception de l'homme, la conception de la Terre, donc cet anthropocène. Il faut bien voir que ce qu'attaque l'anthropocène, à proprement parler, c'est la conception de l'homme. Ce que dit la notion d'anthropocène, c'est que l'homme est une nuisance sur la planète. Ce que dit la Genèse, c'est que la planète, d'une certaine manière, je ne vais pas rentrer dans le débat théologique, mais que d'une certaine manière, la Terre a été créée pour l'homme. Bon, on pourrait nuancer, mais c'est pas le sujet. Et là, on renverse la perspective. Donc, cette notion d'anthropocène est une notion qui est véritablement révolutionnaire, dans le sens où la perspective qui est la nôtre jusqu'à présent, c'est celle de l'homme au centre de la Terre créée pour l'homme. Et en parlant d'anthropocène, on renverse cette perspective et on fait de l'homme une nuisance qui est en train de détruire la planète sur laquelle il vit, se détruire par la même. Donc une nuisance qu'il faut arrêter. Et là, ce renversement de perspective est à proprement parler révolutionnaire. Ça, c'est véritablement une révolution, on peut dire, copernicienne. C'est un champ, en termes plus techniques, qui vont nous rapprocher du New Age, mais il n'y a aucune surprise là-dessus. En termes plus techniques, on est dans un changement de paradigme. C'est-à-dire, on passe du paradigme du paradigme du mode de pensée, du mode de conception, qui fait de l'homme le centre de la Terre, à un autre paradigme, à une autre conception, dans laquelle l'homme n'est que un des éléments de la Terre, un élément nocif qu'il faut arrêter. Donc fondamentalement, ce que vous avez derrière cette notion d'anthropocène, c'est une idée complètement révolutionnaire qui est de changer la place de l'homme vis-à-vis de la planète. Nous vivons sur une conception qui est une conception judéo-chrétienne, une conception biblique, dans laquelle l'homme a été créé, mis sur la terre, avec la terre à sa disposition. Nous sommes en train de renverser cette conception, donc renversement qui a pris bien des formes, dont en particulier la théorie de l'évolution, mais avec la notion d'anthropocène, on voit que l'évolution serait arrivée à un stade où l'homme, maintenant, mettrait en danger cette évolution et cette Terre. Donc ce sont véritablement des idées totalement révolutionnaires, et quand on les pousse dans leurs ultimes conséquences, et elles seront poussées dans leurs ultimes conséquences, ça aura des répercussions sur l'ensemble de la société, et quand je parle de société, donc j'entends religieux, enfin, etc., tous les éléments, ça aura des répercussions absolument terrifiantes. Alors, la première fois que j'ai lu votre livre « L'Empire écologique », je suivais votre raisonnement et les informations que vous disiez, donniez notamment sur le fait que ce soit pensé dans un long processus. Et je me disais, c'est intéressant, mais tout de même, c'est un peu excessif. est-ce qu'il ne serait pas un peu toc-toc, un peu complotiste? Alors j'ai apporté, pour ce, parce que c'est vraiment un gâteau, hein. Il se trouve que j'ai une de mes nièces qui m'a laissé à la maison, là, pendant les vacances, un numéro de femme actuelle. Et ça veut dire les nénettes d'aujourd'hui, quoi. Et je vois exactement traduit dans la presse populaire féminine les indications précises que vous donniez sur les, comment dirais-je, les publications des institutions internationales il y a 30 ans. C'est tout de même... 30 ans, non. Non, mais vous les donniez il y a 20 ans. Voilà, j'ai donné il y a 20 ans. Et certaines dataient il y a 30 ans. Tout à fait. Je peux vous dire, bien volontiers. Pour vous faire... Ah, c'est ça. Je ne sais pas. Voilà. C'est très, très... Je lis simplement. Vous réagirez toutes les 3 minutes, parce que comme ça, ça soulage un peu. On n'a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on n'en a pas. En ce début de 21e siècle, les mots... Non, cher Martin, il faut absolument que j'arrête là immédiatement. Pourquoi ? Immédiatement, parce que là, vous abordez un thème absolument essentiel, la question des deux cœurs, donc un cœur pour les animaux, un cœur pour les humains. Oui. Là, parce que là aussi, il y a un changement de paradigme qui est absolument colossal, qui consiste à mettre l'homme sur le même plan que les animaux. C'est ça. Et là, véritablement, enfin bon, c'est un processus que nous avons tous constaté à d'innombrables reprises, mais qui est véritablement révolutionnaire, subversif. C'est-à-dire que l'homme, bon, qui n'est que le produit de l'évolution, selon cette théorie, l'homme, eh bien, n'a fondamentalement rien qui le distingue des autres, des autres animaux. Les hommes sont des animaux comme les autres. Donc on les met sur le même plan. On a un seul cœur pour ces deux autres animaux. Et ce faisant, donc bien entendu... On supprime la notion de création, on supprime la notion de salut, de rédemption. L'homme est mis sur le même plan que les animaux, est un animal comme un autre. Alors, soit les animaux sont sauvés avec les hommes, soit personne n'est sauvé. Mais il n'y a pas l'homme qui est destiné à recevoir la grâce On supprime la barrière de l'espèce. C'est vous allez voir. C'est complètement. Enfin, là, il y a véritablement quelque chose qui est complètement révolutionnaire. Oui. Et je vais continuer parce que on va faire un tout petit peu de philosophie révolutionnaire là-dessus pour bien voir ce qui est. Donc là, on est en train de supprimer une frontière. On est en train de supprimer une frontière entre celle qui est entre les hommes et les animaux. Et nous savons tous que nous vivons dans une ère de suppression des frontières. On est en train de supprimer les frontières politiques, nous en savons quelque chose. On est en train de supprimer les frontières entre hommes et femmes. Et donc on voit que ça a des conséquences absolument terrifiantes. On est en train de supprimer les frontières, donc nous le voyons en ce moment, entre les animaux. Si vous écoutez attentivement... La propagande qu'on nous fait sur les explorations interstellaires, etc., on commence à voir que, aussi dans ce sens-là, on est en train de... supprimer la frontière entre terrestre et non-terrestre. Bon, c'est vous qui l'avez dit. Et plus généralement, on va dans cette direction. C'est la direction qui doit aboutir à supprimer... toutes les frontières, et en particulier l'ultime frontière, qui est la frontière entre l'homme et son créateur, entre la créature et la création. Et là, on est en plein paganisme. Et en plein transhumanisme aussi. En plein transhumanisme, d'ailleurs, effectivement, parce que j'ai oublié la frontière entre l'homme et les robots, qu'on est en train de gommer la différence entre l'homme et la machine. Et cette disparition des frontières est en fait païenne, panthéiste, et donc avec sa conséquence ultime qui est la suppression de la différence entre la nature et la grâce. Donc l'affirmation que la nature... Alors là, vous êtes tout au bout, là. Vous allez trop vite, parce que là, pour l'instant, on n'est que dans le droit du vivant. Vous allez voir, vous allez déjà pouvoir vous amuser. En ce début de 21e siècle, les mots du poète Alphonse de Lamartine semblent enfin entendus. S'il y a toujours eu des hommes plus sensibles que d'autres à la cause animale, on ne s'est jamais autant ému du calvaire enduré par les animaux dont les images choquent tournent en boucle sur les réseaux sociaux, que ce soit la torture du chat Oscar par son maître en janvier 2014, l'assassinat du lion Cécile par un riche dentiste du Minnesota en juillet 2015, ou la lente agonie des animaux d'élevage filmés en caméra cachée par l'association L214, tous ces actes ont révolté la France entière. À la cinquième marche organisée par L214 le 2 juin dernier, on a dénombré entre 2500 personnes manifestant la fermeture de tous les abattoirs. Ils étaient 500 la première de 2012. Alors là, c'est quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de choses. Justement, vous parliez tout à l'heure de l'utilisation, l'exploitation de la sentimentalité. On y est quand même pas mal. Hein. Et puis, il y a quelque chose de nouveau dont on n'a pas encore parlé. Et parce qu'elle va faire une... Si les végétariens sont moins de 2 millions en France, manger de la viande tous les jours est en passe de devenir aussi démodé que notre fameux menu entrée plat dessert. La cause animale en Europe comme aux États-Unis est devenue un combat citoyen de grande envergure. On croirait que c'est une caricature, mais non, c'est vraiment un vrai papier. Alors, il y a donc un combat citoyen contre l'usage de la viande. Ça rentre aussi dans la... C'est donc ça... Bon, vous le savez, la prochaine étape, c'est le McBug. Donc, vous n'irez plus au McDonald's, mais vous irez au McBug. Donc, ça sera quoi, le McBug ? Bug qui signifie insecte, enfin, vermine. Et donc, dans les McBug... Vous ne mangerez plus des McDonald's, des hamburgers, mais ce que vous mangerez, ce sont des hamburgers d'insectes. Donc, c'est pas mal. Donc vous aurez des vers qui ont été transformés en pâtes, en tofu, enfin ce genre de choses, des sauterelles grillées, et ces choses-là commencent à se développer. Et elles sont soutenues par les grands médias, par les institutions internationales, etc. De toute manière, nous ne pouvons pas, c'est ce qu'on nous affirme, nous ne pouvons pas continuer notre consommation de viande. Donc là, il y a... quelle est l'idée derrière ? Pourquoi cette attaque sur la viande ? Parce que j'ai une chose qui m'a beaucoup frappé. J'aime bien, comme tout le monde, Jean-Luc Mélenchon. Il nous a fait cet été une espèce d'éloge du quinoa. C'est fait du complètement. Oui. Et donc, c'est l'attaque complète de la viande par le patron du Front de Gauche. C'était quand même assez intéressant. Qu'est-ce qu'il y a derrière l'attaque contre la viande ? Alors, ça, c'est vraiment un sujet difficile à traiter. Enfin, de toute manière, il est bien établi qu'on a un processus qui veut véritablement diminuer la consommation de viande. Et en particulier, l'un des arguments qui est donné, c'est que les flatulences des bovins contribuent au réchauffement global pour une part importante. Et donc, arriver au stade où on en est, eh bien, il faut forcément en finir avec ces bovins. Flatulences et aussi simplement la rumination. Oui, voilà. Bon, donc ça, ce sont des choses qui sont dites, écrites fréquemment. Et alors, il n'y a pas de justification scientifique là-dessus. Bon, ce serait, il faudrait reprendre toute la question de l'effet de serre. Enfin, comme vous l'avez fort justement dit, on voit par exemple que les glaces en Antarctique augmentent, que les relevés de température faits par satellite montrent une stabilité des satellites depuis 18 ans, etc. Donc cette affaire de l'effet de serre a été montée de toutes pièces. Alors revenons-en à la question de la viande. Donc, pour quelles raisons a-t-on cette volonté de faire baisser la consommation de viande ? Alors, il y a justement donc ce mouvement vers le nourriture purement végétale qui nous rapproche du régime des Indiens, d'Inde, du pays de l'Inde. Et là, l'une des justifications, qui à mon sens est la principale, c'est précisément ce qu'on vient de dire au sujet des animaux, à savoir cette souffrance animale, le fait que l'animal est en fait notre frère. Plus notre frère que la graine, mais on pourrait pousser le raisonnement encore un petit peu plus loin et dire que la graine aussi souffre quand on le poireau est notre petit cousin. Voilà, le poireau, moi j'entends le hurlement du poireau quand vous le mettez dans la cocotte minute. Donc vous avez des animaux qui sont plus évolués, sensible, ça c'est une vérité, et plus proche de nous. Et dans cette perspective, en fait, panthéiste, qui veut que tous les êtres vivants, la totalité du monde, mais encore plus les êtres vivants, eh bien, soient des éléments du grand tout, eh bien, ces éléments doivent être préservés. Ils ne doivent pas souffrir, ne doivent pas être mangés, et nous devons donc modifier notre alimentation, notre régime. Donc en fait, c'est cette perspective panthéiste, ce panthéisme, qui fait que on pose un regard différent sur l'homme, on pose un regard différent sur l'animal, et on en tire les conséquences. Oui, alors là, pour aller dans votre sens, elle donne cette jeune journaliste, elle donne des exemples justement de pas en avant positif sur la défense de la cause animale. Je note notamment, début 2016, le FBI a enfin reconnu comme crime de classe A, entre parenthèses passible de plusieurs années d'emprisonnement, les actes de cruauté envers les animaux. En plus, il s'avère que 70%, je me demande d'où elle tire ces statistiques aussi précises, 70% des criminels les plus violents se sont d'abord fait la main sur des bêtes. Voilà. Tandis que les grands humanistes, de Pythagore à Einstein et de Léonard de Vinci à Victor Hugo, les ont toujours défendus. La loi française, alors venons à quelque chose de précis, concret, la française du 28 janvier 2015, reconnaissant à l'animal le statut juridique d'être vivant doué de sensibilité, est ainsi le fruit d'une longue réflexion engagée depuis plusieurs décennies. Voilà. Donc, on va vers la reconnaissance juridique, c'est ça, que, non seulement on n'est plus dans la philosophie, est dans le concret de la loi. Absolument, absolument. C'est le développement naturel. On envoie d'abord, on jette d'abord les idées, comme par exemple l'idée de l'anthropocène, et ensuite on l'intègre dans ce qu'on appelle la soft law, la loi, qu'on va traduire par molle, qui sont simplement des directives données au niveau international par l'ONU, l'Europe, et ensuite ça devient véritablement des lois. Donc il y a un processus graduel. Progressivement, on habitue les esprits, la société, à de nouvelles idées, et au bout d'un certain temps, elles sont véritablement intégrées dans les codes, le code civil, voire le code pénal, et les individus doivent façonner leur comportement en fonction de ceci. Alors, bien évidemment, la cruauté, il ne s'agit pas du tout de défendre la cruauté envers les animaux. C'est pas du tout... C'est indéfendable. Et il est pas... c'est là que, d'ailleurs, la propagande est intelligente, parce qu'elle exploite intelligemment une réalité. C'est vrai que des élevages en batterie, je ne parle pas seulement de... C'est odieux, tout cela est carrément odieux. Il n'y a rien à contester là-dessus, et précisément à partir de là, à partir de ce constat, on bascule vers une révolution philosophique qui consiste à donner le droit à la personne morale à des animaux, considérer que les animaux ont des droits qui en fait sont ceux d'une personne morale. Et là, véritablement, on les met d'un point de vue juridique sur le même plan que les êtres humains. Et également, si on élève les animaux au rang des êtres humains, on abaisse au même moment les hommes au rang des animaux. Et vous parliez tout à l'heure de l'Inde, qui est donnée comme modèle. Et on y est, la France a donc fait des progrès, mais elle accuse encore, par rapport à certains pays comme l'Inde ou la Finlande, un retard réel en matière de protection animale. Autorisation des zoos, delphinarium, corrida, vivification à l'école. Donc, c'est les prochaines grandes causes, c'est l'interdiction du zoo. La corrida, c'est déjà bien parti. Mais le delphinarium, zoo, c'est mais mal. Le zoo, non, mais le delphinarium et le zoo, c'est déjà bien parti. Le mouvement. Ah oui. Ah oui, oui. Là, on a déjà des mouvements en ce sens, des associations, des protestations contre les zoos. Contre les delphinariums. On peut raisonnablement penser que dans quelques temps, les zoos, enfin en tout cas un grand nombre de zoos seront fermés, comme les delphinariums. Ah oui. Ah oui, non, les choses existent déjà, c'est déjà fait. Alors, Alors maintenant, je crois que tout ça, c'est assez clair. On peut peut-être passer justement à ce qui vous, enfin ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'incidence sur le changement spirituel religieux. Je vois qu'elle en parle. Elle est vraiment très bien. C'est une synthèse. Hein. Nous réalisons enfin que l'homme fait partie d'un grand tout, que son sort dépend de celui des autres espèces vivantes, souligne le philosophe Fabrice Midal, auteur de « Comment la philosophie peut nous sauver », édition Pocket. L'essor du bouddhisme en Occident, qui a fait de l'interdépendance l'un de ses principes fondateurs, n'est sans doute pas étranger à cette prise de conscience. Cette urgence écologique nous force à réagir. Je crois que là, elle a bien montré le processus. C'est le discours à la fois New Age, donc du Nouvel Âge, et écologique, qui à l'essentiel. Donc l'homme fait partie du grand tout. Donc on considère le grand tout, déjà, donc il y a un grand tout, on nous affirme qu'il y a un grand tout. Non pas un cosmos, non pas un univers ordonné, mais un grand tout. Donc non pas un univers qui a été créé et qui est ordonné, avec des lois extraordinaires quand on les approfondit. Non, non, il y a un grand tout, un grand ensemble, chaotique. Enfin, en tout cas, il n'est pas précisé s'il est ordonné ou par qui il a été ordonné. Donc il y a un grand tout dont l'homme fait partie. Donc l'homme n'est qu'un élément du grand tout, un élément parmi tant d'autres, qui a peut-être une certaine place, peut-être une place éminente, mais fondamentalement qui fait partie du grand tout, qui est le résultat de l'évolution du grand tout. Donc on est, avec cette perspective, la perspective du grand tout, dans ce qu'on appelle la perspective holistique, la perspective précisément holistique, holos, le tout, donc dans la perspective païenne. C'est-à-dire que l'homme, il n'y a pas un cosmos hiérarchisé, avec Dieu en haut, la très sainte Trinité, les anges, l'homme, les espèces animales, etc. Non, il y a un grand tout dans lequel tout est absolument horizontal. Et on nous dit une chose du grand tout quand même, il est interdépendant. Interdépendant. Et là, on arrive sur l'idée d'interdépendance, qui est une idée absolument essentielle et qui est une idée révolutionnaire. C'est que nous dépendons tous les uns des autres. Mais alors, on va aller à la... Peut-être que je vais aller trop vite, mais... Enfin, allez-y. On va aller à la conséquence ultime de cette interdépendance. La conséquence ultime de cette interdépendance, c'est que le salut est pour tous. Le salut est donné pour tous. Comme nous sommes interdépendants, c'est soit tout le monde est sauvé, soit personne ne sera sauvé. C'est on ira tous au paradis. Et donc ça, c'est l'idée de l'interdépendance, mais c'est une idée qui est très proche de l'idée du grand tout, puisque nous sommes dans un grand tout, et qu'il n'y a en fait pas de limite, pas de frontière dans ce grand tout. Comme il n'y a pas de frontière dans ce grand tout, pourquoi est-ce que vous, Martin, vous alliez au paradis, et moi, j'irai en enfer? Puisque tout est dans tout, que nous sommes interdépendants, eh bien, il est bien entendu que le processus de l'évolution, le processus de l'évolution cosmique, cher à Teilhard de Chardin, nous emmène tous vers le point alpha, vers le paradis. Donc ce journal féminin est un concentré, est un résumé de doctrine maçonnique, parce que bien évidemment tout ceci, c'est la doctrine maçonnique, est un résumé de doctrine maçonnique, de doctrine New Age, est un résumé de la doctrine des institutions internationales, parce que vous parliez de complotisme tout à l'heure, toutes ces idées sont exprimées noir sur blanc dans les textes officiels des institutions internationales, il n'y a qu'à les lire. Est-ce que vous avez fait dans l'Empire écologique, il y en a une bonne tapée de textes. Voilà. Voilà, donc ces textes sont publics. Aujourd'hui, ils sont en grand nombre sur Internet. Il suffit de les lire et d'y trouver des choses absolument stupéfiantes. Donc cette dame reprend la doctrine maçonnique, reprend la doctrine New Age, reprend la doctrine des institutions internationales, et même, il faut le dire, reprend une certaine doctrine qui est maintenant exposée par certaines autorités dans l'Église catholique. Mais c'est pour ça que j'ai pris ce papier, je le trouve tout à fait remarquable. Il est absolument remarquable. Parce que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la barrière de l'espèce. Je voulais encore... on viendra bientôt justement à des textes catholiques, mais là, il faut vous lire ce petit passage. D'où notre retour à des valeurs qui respectent notre sensibilité profonde, compassion, altruisme, solidarité envers tous les êtres vivants et en priorité les plus vulnérables. La défense des animaux s'inscrit dans un mouvement général de lutte sociale pour l'égalité, l'antispécisme, qui montre notre attitude à l'égard des animaux procède des mêmes mécanismes que le racisme ou le sexisme, précise Brigitte Gauthier. Après les esclaves, les enfants, les femmes, c'est aux animaux d'être protégés contre la loi du plus fort. Là, Donc là, on est véritablement dans la perspective holistique, dans la perspective du grand tout. Il y a des frontières qu'elle énumère très bien, les frontières d'espèces, donc il faut les faire sauter. Il y a des frontières de race qui ont été imposées par Dieu, qui a séparé les nations. Il y a des frontières de sexe, et toutes ces frontières peuvent sauter. Et pour aller vers une grande compassion, l'ensemble de la création, compassion que l'on refuse, bien entendu, à l'enfant à naître. Lui, qu'on fasse un avortement, ce qu'on appelle pudiquement tardif, qui est en fait tout simplement un homicide, d'un enfant qui est en train de naître, qui est parfaitement formé, qui a 9 mois et qui est en train de naître, ça, là, par contre, là, il n'en est plus question. Mais c'est normal, d'ailleurs, puisque la planète est surpeuplée. Donc, on voit véritablement la perversité de ces idées qui consistent à mettre l'homme au même rang que les animaux, à rabaisser l'homme au même rang que les animaux par la lutte anti le spécisme, alors qu'au même moment, on va tuer l'homme, on va tuer un homme parfaitement formé qui est en train de naître. Voilà. Il est 20h27. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de la liberté surveillée, avec moi-même Martin Pelletier, qui reçoit ce soir Pascal Bernardin, qui est l'auteur de 3 livres fort intéressants chacun, et qui gagne à être lu l'un la suite de l'autre. Je rappelle, le premier, c'était Machiavel, pédagogue. Le second, L'Empire écologique. C'est un gros pavé qui date d'un certain temps, mais qui est toujours actuel. Et le troisième, c'est le crucifiement de Saint-Pierre. Les 3 sont aux éditions Notre-Dame-des-Grâces, Pascal Bernardin. Oui, d'accord. Voilà, donc ça, je pense que sur ces questions-là, les auditeurs qui ne les ont pas lus ont tout intérêt à les lire. Alors, Pascal Bernardin, on va d'abord lire quelques questions des auditeurs et ensuite on viendra à des questions qui nous intéressent. Vous placez Einstein parmi les humanistes étranges. Je rappelle à cet auditeur, c'est un homme, que je ne faisais que lire le papier de Femme Actuelle du juillet ou début août. Donc je ne place rien, je cite. Ne conviendrait-il pas de supprimer la commercialisation des huîtres, puis ce sont des animaux que l'on mange vivants? Bien entendu, ça viendra. Mais à l'époque, Bernard Anthony avait fait, c'était en 87-88, un très bon amendement et une proposition de directive au Parlement européen interdisant justement au nom des droits du vivant la consommation d'huîtres. À l'époque, on en riait. Maintenant, c'est du sérieux, c'est ça la différence. J'habite aux Pays-Bas, il existe là-bas un numéro d'urgence spécialiste pour le secours aux animaux. Mais ça, c'est pas mal. Secourir un chat ou un chien qui est en difficulté, ça n'a rien de mal. Dieu a confier à l'homme le soin de la terre, c'est ce que disait Pascal Bernardin tout à l'heure. C'est la conception ancienne, la conception nouvelle va changer. Un paradigme n'est pas un mode de pensée, mais un exemple grammatical. C'est exact. Vous avez fait un américanisme. Mais non, c'est pas un américanisme. J'ai employé le mot paradigme dans le sens dans lequel il est pris par le New Age. Effectivement, enfin le Nouvel Âge. Effectivement, à proprement parler, un paradigme n'est pas une conception du monde, etc. Mais c'est dans ce sens-là que le Nouvel Âge, que tous ces mouvements païens le prennent. Donc j'ai employé leur vocabulaire qui est effectivement fautif. D'accord, mais souvent on est obligé d'employer un vocabulaire fautif, mais il faut le signaler, c'est vrai. Voilà. C'est exact. Faire souffrir les animaux est un péché mortel, je ne sais pas quelle souffrance. Les homards, non, mais justement, il a été bien précisé que les souffrances infligées aux animaux sont de graves erreurs. Ce n'est pas la question. Ce qui est en question, en revanche, c'est de donner le même droit et la même place à un animal qu'à un homme. Voilà. Alors, justement, puisqu'il s'agit de penser aux droits du vivant, la place de l'homme, aux places respectives de l'homme et de l'animal dans la création, il y a un document qui a été salué par, je crois, toute la presse. Et c'est assez rare, parce que c'est un document qui vient du Vatican, c'est une encyclique. Les encycliques tombent souvent soit dans l'indifférence, soit dans la critique générale. Et là, elle a été, j'allais dire, louée par tout le monde. Et ce document s'appelle Laudato Si, c'est la dernière encyclique du pape François, qui est consacré précisément aux questions d'environnement qui nous occupent en ce moment. Et c'est une encyclique assez épaisse, hein, parce que je regardais un petit peu la longueur des encycliques, elle a tendance à croître. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 300 000 signes. Avant la Seconde Guerre mondiale, c'était quelquefois 50 000, c'était beaucoup plus court. Là, c'est rédigé de la même façon. C'est rédigé d'une façon plus, je dirais, moins précise et beaucoup plus moins dogmatique. Et plus sentimental. C'est assez coloré comme style. Ça n'a rien à voir avec les encycliques de Pie XI ou Pie XII. Hein. Donc, voilà. Ce document, où le classez-vous dans cette dans la question qui nous occupe, dans le processus de l'écologie? Alors, la question que vous posez est précise, puisque vous me demandez de classer le document. Vous ne me demandez pas de parler de l'auteur du document, ni des intentions de l'auteur du document. Non, parce que je ne veux pas rentrer dans la polémique et les choses. Je parle du document. Voilà, et je ne rentrerai pas non plus dans la polémique. De toute manière, j'ai l'absolue certitude que l'auteur, donc le pape François, ne peut pas connaître la totalité des intentions révolutionnaires qui sont celles des institutions internationales on l'a vu des communistes et on l'a vu des forces du grand capital, enfin plus exactement de la haute finance d'ailleurs, le grand capital n'étant que le bras armé de la haute finance, donc qui ont réfléchi à toutes cette idéologie pendant des décennies, qui l'ont élaborée au sein de groupes de réflexion, comme par exemple les services secrets soviétiques, dans leur cellule d'analyse, comme par exemple les institutions académiques, également soviétiques ou américaines. Donc je ne fais pas de procès d'intention au pape François, je vais simplement répondre à votre question. Donc, comment est-ce que ce document s'inscrit dans ce processus? Alors, ce qu'il faut savoir, et c'est l'essentiel, c'est que la révolution écologique que nous subissons, que nous vivons, que nous pouvons observer quotidiennement, a été donc préparée depuis très longtemps. Ça a joué un grand rôle dans la perestroïka, puisque Mikhaïl Gorbatchev, dans l'ouvrage intitulé Perestroïka, insistait lourdement sur les questions écologiques. Mais ce que je veux dire, c'est que cette révolution écologique que nous sommes en train de vivre a, depuis le début, été conçue comme devant être couronnée par une révolution dans l'ordre spirituel, dans l'ordre religieux et dans l'ordre éthique. Donc ça, c'est une chose. Vous le dites, vous vous fondez sur quoi pour alors, le dire ? Alors non, je ne le dis pas, je me contente de citer les textes des institutions internationales. Donc ces textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont publics. Est-ce que vous pouvez en lire un petit morceau ? On a le temps, parce que c'est important, ça, de bien montrer que c'est fondé, si vous le retrouvez. Oui, oui, oui, non, je vais vous en... De précis, de concret, de daté, de documenté, de sourcé, ça, c'est pas quelque chose qui puisse être discuté ou controversé. Oui, c'est une donnée. Bon, alors Pierre Martin, vous me prenez un petit peu par surprise. Donc, mais oui, ça n'a pas été préparé. Donc je vous prends ce qui me vient sous la main. Mais bon, il y a d'innombrables textes. Donc je vous en lis un qui est assez parlant. Donc nous sommes à ce moment-là à la conférence de Rio, donc en 1992. Oui. Et c'est le secrétaire général qui, à l'époque, est Boutros-Ghali. Donc je lis. Donc ce sont dans les actes de la conférence de l'ONU, de la conférence de Rio, conférence dans laquelle il y a eu, je crois, 192 pays qui étaient représentés, mais bon, je ne m'engage oui, pas. Il y avait Mitterrand à l'époque, oui. Fidel Castro, tout le monde. Tout le monde. Bush. Alors voilà donc ce qu'on lit dans les actes. Le secrétaire général donc, de l'ONU a demandé à la conférence, donc c'est la conférence de Rio, d'observer deux minutes de silence en l'honneur de la Terre, en précisant que sur l'initiative du secrétaire général de la conférence, le monde entier observerait en même temps, à cette occasion, deux minutes de silence. Donc le rite maçonnique de la minute de silence. Alors je continue. En ma qualité de secrétaire général donc de l'ONU, donc c'est Boutros-Ghali qui parle, nouvellement arrivé mais néanmoins bien conscient des limites imposées au pouvoir des gouvernements et bien sûr des organisations internationales, j'ai l'espoir que ce que j'appellerais l'esprit de Rio, c'est-à-dire l'esprit de la planète Terre, se répandra à travers le monde. Donc voilà, oui. Voilà ce qui est dit. Alors, c'est toujours pareil. Ce sont des gens qui emploient les mots dans leur sens obvie. Ce sont des gens qui sont arrivés tout en haut de la structure politique. Ce sont loin d'être des imbéciles. Et il faut véritablement prendre leur déclaration sérieusement. Ce ne sont pas des gens qui emploient les mots spirituels, les mots esprit, etc. À tort et à travers. Alors, le même Boutros-Ghali disait aussi, puisque une de ses déclarations, je voudrais conclure en disant que l'esprit de Rio doit créer un nouveau comportement du citoyen. Après avoir aimé son prochain comme lui demandait l'évangile, l'homme d'après Rio doit aussi aimer le monde, y compris les fleurs, les oiseaux, les arbres, tout cet environnement naturel que nous détruisons régulièrement. Au-delà, alors le texte anglais est ambigu, on peut traduire au-delà ou au-dessus, donc au-delà du contrat moral avec Dieu, au-delà donc ou au-dessus du contrat social conclu avec les hommes, il faut maintenant conclure un contrat éthique et politique avec la nature, avec cette Terre même à qui nous devons notre existence et qui nous fait vivre. Donc je continue, c'est toujours Boutros-Ghali qui parle. Pour les anciens, le Nil était un dieu que l'on vénère. De même le Rhin, source infinie de mythes européens, ou la forêt amazonienne, la mer des forêts, partout dans le monde, la nature était la demeure des divinités. Celles-ci ont conféré à la forêt, au désert, à la montagne, une personnalité qui imposait adoration et respect. La terre avait une âme, la retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de Rio. Donc c'est Boutros-Ghali, ex-qualité de secrétaire général de l'ONU, qui peut écrire « La terre avait une âme, la retrouver, la ressusciter, telle est l'essence de Rio ». C'est sans ambiguïté, c'est du syncrétisme boutros-ghalien, parce qu'il est chrétien, il était chrétien. Il était chrétien, absolument. Voilà, donc là, c'est tout à fait clair. Alors, est-ce que, bon là, vous décrivez un processus. Comment se classe justement Laudato Si dans cette... Alors, Laudato Si, pour parler... Parce qu'il est presque franciscain, je veux dire, on aurait dit du Saint-François, les frères Fleurs de Boutros-Ghali. Je plaisante. Hein. Est-ce que, le pape François, par cette encyclique, se classe dans ce mouvement et participe à l'esprit de Rio ? Incontestablement. Alors là encore, Je ne vais pas parler du pape François. Mais de son document. Mais de son document. Le document se classe incontestablement dans l'esprit de Rio. Et je précise, je ne veux pas... incriminer qui que ce soit. Incriminer qui que ce soit, ce n'est pas... Prenons quelques minutes pour bien établir ça, parce que c'est quand même... c'est pas anodin, Laudato aussi, c'est comme une encyclique, c'est important, surtout que ça a beaucoup fait parler, donc on a le temps de développer un peu ce point. Bien, alors, si vous voulez, Laudato aussi couvre un certain nombre de points essentiels. Alors, il sera difficile de parler de tout, mais on va essayer de... Commençons. Oui, voilà. Alors, le titre de l'encyclique, c'est donc « Lettre encyclique Laudato Si » du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, cette notion de maison commune, dont beaucoup de gens n'ont pas entendu parler jusqu'à présent, c'est une notion qui, en fait, remonte à Gorbatchev. Et la maison commune... Pour Gorbatchev, c'était l'Europe, puisque la perestroïka, le but de la perestroïka, c'était la synthèse entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, qui d'ailleurs, soit dit en passant, a bien largement progressé, en particulier avec Mme Merkel, qui est à la tête de l'Allemagne et de la révolution que nous vivons, donc ancienne communiste. Ancienne correspondante de la Stasi. Voilà. Donc, bon... Alors, certaines bonnes âmes pensent que tout ça, c'est ancien. Et moi, je constate simplement que la personne qui est en train de dynamiter l'Europe est une ancienne communiste. Bon, enfin, toujours est-il que le titre de l'encyclique, c'est donc lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Alors, cette maison commune, c'est une notion holistique, comme on en a parlé tout à l'heure. C'est une notion qui nous ramène au grand tout. Donc, nous avons une maison commune, quelque chose qui est commun à tous les êtres humains et même tous les êtres vivants. Donc cette maison commune, c'est aussi une notion qui est évidemment communiste, puisque si nous avons une maison commune, s'il y a ce qu'on appelle en théorie marxiste, en théorie économique, des biens communs, il faut gérer ces biens communs. Il faut faire attention à ces biens communs. Et cette notion de bien commun est une notion qui est extrêmement pernicieuse, parce que s'il y a des biens communs, comme par exemple le climat, qu'il faut gérer, il faut une institution pour gérer ces biens communs. Et la fonction crée l'organe. Voilà, la fonction crée l'organe. Donc la fonction bien commun, le climat, à partir du moment où on a fait rentrer de force dans l'esprit, dans l'idéologie, dominante, qu'il y a un bien commun qui s'appelle le climat, il y a forcément un organe qui doit être créé qui s'appelle l'ONU, et par derrière il y a des milliers de milliards de dollars par an. Je ne parle même pas des questions de conception de l'homme qui sont bien plus importantes. Je ne parle même pas des questions religieuses, des questions éthiques qui dépassent infiniment toutes ces questions, toutes ces sommes astronomiques, mais vous avez de toute manière des milliers de milliards de dollars, ce qui représente un pouvoir politique, et je ne confonds pas la finance et le politique, enfin, ni l'économie et le politique, des sommes pareilles représentent un pouvoir politique colossal. Donc, cette notion de maison commune, dès le début, ce texte nous dit qu'il va se placer dans une perspective qui était celle de Gorbatchev quand il a écrit Perestroïka. Et dans Perestroïka, donc, Gorbatchev parle de la maison commune et développe cette idée. Donc c'est dès le début, c'est le titre, dans le titre tout est dit. C'est-à-dire quand on a l'historique, quand on connaît l'historique de la révolution écologique, quand on sait comment les choses se sont faites, et donc ça c'est la perestroïka, c'est 95-98, eh bien, on voit que ce texte se place explicitement dans cette idéologie, qui est une idéologie qui était encore communiste à l'époque, post-communiste maintenant, mais c'est une idéologie qui est une idéologie collectiviste. Nous avons des biens communs. Et il suffit, par un tour de passe-passe médiatique, d'insister sur les biens communs, ou les pseudo-biens communs, voire même de créer des biens communs, pour qu'ensuite, la fonction créant l'organe, comme vous l'avez si justement dit, eh bien, on obtient une institution internationale qui a un pouvoir sans limite. Alors, si vous ajoutez à ça, ce texte, donc Laudato Si, parle en permanence de la question de l'interdépendance. Donc cette question, c'est une que nous retrouvons dans Femme actuelle, donc qu'on a déjà évoqué. Eh bien, puisque nous sommes dans un avec des biens, avec une maison commune et une grande interdépendance qui touche tous les domaines, eh bien, les institutions internationales qui doivent gérer ce bien commun qui touche par interdépendance, qui touche tout le monde, qui touche tous les systèmes, c'est la théorie des systèmes, c'est pour ça que le mot m'échappe, mais qui touche toutes les parties de la société, eh bien, cette ONU finit par contrôler l'ensemble de la société en affirmant ces idées complètement révolutionnaires d'interdépendance et de maisons communes. Donc, si vous voulez... Vous dites que ce texte, là, vous êtes aussi, oui, justifie la toute-puissance de l'ONU par la défense du bien commun, entre guillemets, qui est notre environnement. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, attendez, je pense que je vais vous retrouver le passage dans lequel l'appel aux institutions internationales est explicitement fait. Voilà, ça y est, je l'ai. Je vais vous lire. Donc là, je vous lis Laudato Si. Oui. Bon, alors, je vais être un petit peu long parce que je... Si vous faites des coupures de respiration, vous pouvez être long. Bon. C'est pas le problème. Bon. Il faut simplement que ce soit audible. Ça le sort. Donc, c'est le paragraphe 175 de Laudato Si. La même logique qui entrave la prise de décision drastique pour inverser la tendance au réchauffement global ne permet pas non plus d'atteindre l'objectif d'éradiquer la pauvreté. Il faut une réaction globale plus responsable qui implique en même temps la lutte pour la réduction de la population et le développement des pays et des régions pauvres. Le XXIe siècle, alors qu'il maintient un système de gouvernement propre aux époques passées, est le théâtre d'un affaiblissement du pouvoir des États nationaux, surtout parce que la dimension économique et financière de caractère transnational tend à prédominer sur la politique. Dans ce contexte, la maturation d'institutions internationales devient indispensable, qui doivent être plus fortes et efficacement organisées, avec des autorités désignées équitablement par accord entre les gouvernements nationaux et dotées de pouvoirs pour sanctionner. Et donc, là, le pape nous annonce la création d'institutions internationales, enfin en tout cas, appel de ses voeux, la création d'institutions internationales dotées de pouvoir pour sanctionner. Donc là, je n'ai pas terminé. Attendez, vous me permettez quand même. Non. Si. Donc, j'ai écouté aussi, parce que je m'assurais que je ne me suis pas trompé en écoutant. Donc, le pape, dans un premier... Enfin, le document lit la réduction de la pauvreté. Tout à fait. La réduction de la population et la défense regardez. Non, enfin, le... Comment dire? Ah, justement, je voudrais voir si je suis bien entendu. Non. Il faut une réaction globale plus responsable qui implique en même temps la lutte pour la réduction de la pollution. Pollution, ah, pollution. D'accord. Donc, si j'ai du population, c'est une erreur de ma part. Oui, mais c'est pour ça que j'ai bien... Non, mais ça peut arriver. Non, non, mais c'est... Alors, c'est pour ça que j'ai bien... D'accord. Et tout ça le lie à un changement de gouvernance. Voilà, alors je continue. Donc, comme l'a affirmé Benoît XVI dans la ligne déjà développée par la doctrine sociale de l'Église, donc, et la citation de Benoît XVI, pour le gouvernement de l'économie mondiale, pour assainir les économies frappées par la crise, pour prévenir son aggravation et de plus grands déséquilibres, pour procéder à un souhaitable désarmement intégral, pour arriver à la sécurité alimentaire et à la paix, pour assurer la protection de l'environnement et pour réguler les flux migratoires, il est urgent que soit mise en place une véritable autorité politique mondiale en italique, telle qu'elle a déjà été esquissée par mon prédécesseur Saint Jean XXIII, dans cette perspective, et donc fin de la citation de Benoît XVI, dans cette perspective, la diplomatie acquiert une importance inédite en vue de promouvoir des stratégies internationales anticipant les problèmes plus graves qui finissent par affecter chacun. Donc voilà un document, voilà un paragraphe, le paragraphe 175 de Laudato Si, qui est sans aucune ambiguïté Donc, nous avons des problèmes d'une telle ampleur, tellement interdépendants, dans la maison globale, qu'il nous faut une institution internationale, une autorité politique mondiale, donc c'est écrit en italique, rappelant Benoît XVI. Aurait pu rappeler aussi Paul VI à son discours de l'ONU. Oui, puis il aurait pu aussi rappeler Jean XXIII, Mater et Magistra, qui est un document extraordinaire que je conseille à tous les auditeurs de lire, en plus qui est un document très court. Mater et Magistra a le bonheur de ne faire que quelques pages, mais c'est un éloge dithyrambique de l'ONU. Mais enfin bon, on sait bien que Jean XXIII avait été en poste dans les institutions internationales. Bon, mais toujours est-il que donc là... le texte donc, nous demande une autorité internationale dotée de pouvoir pour sanctionner une autorité politique mondiale. Donc il n'y a pas de hiatus entre l'ONU, tous ces mouvements dont on a parlé, la pensée de Gorbatchev, parce que c'est exactement la pensée que l'on retrouve dans Perestroïka, et ce texte, la Laudato si. Donc on voit sa continuité dans la conception du monde qu'il a, c'est-à-dire c'est un bien commun avec une grande interdépendance. Donc on a les éléments. Est-ce que ça tient aux gens qui ont aidé à la parce qu'il y a eu des réunions de réflexion. Il y a notamment des gens qui sont assez connus comme Jeffrey Sachs qui viennent de mouvements ce sont des économistes mondialistes très très connus et actifs. Si vous voulez, en lisant ce texte, donc Laudato si, pour une personne comme moi qui connaît bien les textes des institutions internationales, toutes ces idées maçonniques qui tournent autour, on acquiert très rapidement la quasi-certitude que le texte a été signé par François et a été écrit par d'autres, comme beaucoup, comme tant d'autres encycliques. Donc il n'y a pas grande surprise là-dessus. Mais néanmoins, ce texte signé de la main du pape reprend les thèmes des institutions internationales et cette conception holistique qui en fait est une conception païenne, même si c'est pas du tout l'intention du pape. Oui, et puis même si à certains moments il fait bien la différence entre le créateur et la création, mais à d'autres moments on a des choses qui sont très très différentes. Alors on fait signe qu'on n'a plus qu'une minute et demie, deux minutes. Qu'est-ce que justement, vous diriez en conclusion à la fois de l'encyclique et à la fois de l'émission, c'est-à-dire cette révolution qui est menée par le biais de... Oui, mais je vais vous lire un passage de l'encyclique pour bien faire mesurer le caractère véritablement révolutionnaire du processus écologique. Alors c'est le paragraphe 216 de Laudato si. Il s'intitule « La conversion écologique ». Donc il ne s'agit pas du tout de la conversion du pécheur, une nouvelle sorte de péché. La grande richesse de la spiritualité chrétienne, générée par 20 siècles d'expérience personnelle et communautaire, offre une belle contribution à la tentative de renouveler l'humanité. Donc voilà où nous en sommes. Hein. « Je veux proposer aux chrétiens quelques lignes d'une spiritualité écologique » qui trouvent leur origine dans des convictions de notre foi, car c'est ce que nous enseigne l'Évangile, a des conséquences sur notre façon de penser, de sentir, de vivre. Il s'agit de parler tant d'idées, mais surtout de motivations qui naissent de la spiritualité pour alimenter la passion de la préservation du monde. Il ne sera pas possible, en effet, de s'engager dans de grandes choses, seulement avec des doctrines, sans une mystique qui nous anime, sans les mobiles intérieurs qui nous poussent. Bon, et etc. Bon, le temps tournant, j'abrège, donc j'arrive à la fin de ce paragraphe. Donc, il parle de la spiritualité